Jésus. Mabialo, sina coulé. Mabialo, sina coulé. Mabialo, sina coulé. Mabialo, sina coulé. Mabialo, sina coulé. Papa na merode. Mabialo, sina coulé. Mabialo, sina coulé. Mabialo, sina coulé. Mabialo, sina coulé.